Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. J'espère que nos meilleurs moments d'assemblage requis sont meilleurs que nos meilleurs moments des palmarès, c'est fou, hein? Hey, c'est vrai, je voulais te demander, voir si t'as bien appris ta leçon. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, là? Si t'as bien appris ta leçon. Ta leçon. Oui. C'est donc, on s'en va t'entendre. Ta meilleure chronique préférée. Les moments d'assemblage requis. Que tu adores. Oui. Que tu oui. tripes dessus bien raide. Oui. C'est ça. Un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 10 octobre 2011. Assemblage requis, ça commence! Tout de suite! Ah oui, là, tout de suite! Combien de fois qu'on peut faire de variantes de notre tout de suite et maintenant de blagues avec ça? Là? Ben, une bonne semaine. Ouais, au moins. Hein. Au moins. Au moins. De passer ça, on serait vraiment des champions. On pousse notre chance si on fait ça. Voilà, ceci, ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est le fun pour ceux qui vont sur le calendrier et regardent dans quel ordre tu lis ça. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. On transitionne comme on le fait qu'on aime ça. Qu'est-ce que je gagne? Tu disais que je gagnais obligatoirement quelque chose. Si je gagne ma reconnaissance. OK, ensuite... Ça, parce que j'imagine que ça peut pas être juste ça. Non, c'est ça. Mettons, une poignée de main. Hein? Une poignée de main, OK, c'est bien, mais c'est pas assez. Une tape dans le dos. OK, non, peut-être un massage. Je pourrais peut-être amasser le crâne, faire un petit shampooinage. Là, ça un shampooinage, ouais, ouais. OK, oui. Ça, comme un chien. Ça part bien. Oui, antipus et tout. Antipus, OK. Je peux vraiment y aller fort, là, puis go, là, le kit au complet, shampooinage du corps au complet. Attends un peu, non, finalement, j'aime mieux que pas. Non. Non, juste la tête. Ouais. Juste la tête, OK. Ouais. Et puis, après? C'est pas assez. Là. Ben là. T'en demandes pas mal, François. C'est correct. Tu l'acceptes? Ouais. Ça ou encore peut-être des framboises en bonbons dans la machine. Oh! Je sais, j'aimerais ça. Après dîner. OK. Vendu, tu me le rappelles. Yes, sir. The Galaxy sur leur album Tigre et Diesel, c'est la pièce qui termine l'album. Une de celles que j'aime beaucoup. Hein? Une de celles que j'aime pas partout. Hey! Non, c'est pas fin. C'est pas vrai, Mathieu Plante. Ça a des émotions, une galaxie. T'sais. Oh! Non. Toi aussi, t'as des émotions, tu vas me dire? Ouais, je suis un gars sensible. Oh, que t'es cute. Ah, mais merci, toi aussi. T'es cute, t'as ma tête. Mais gars, si tu veux, on peut la faire plus tard. Si. Oh. Même le micro, on veut pas te. Le micro a reculé de sa face, c'est comme fait toc par l'arrière. Y a rien qui va dans ma face, bon. Rien qui vient dans ta face, ça aurait été plus drôle pour le jeu de mots, ça aurait été pas plus. Assemblage requis et quand c'est les mots là qui vont ensemble. Près de là. Ouais. D'après, c'est pas les mots qui vont après l'intro, après la petite chanson. C'est quoi déjà? C'est quoi le mot là? C'est sur le bord de mes lèvres. Bienvenue. Excellent album de Face, franchement. Là, oui. Ça reste dans la tête en plus quand on prend le temps de l'écouter. Ouais. Sur son iPod, peut-être, parce que, tu sais, iPod, Face, on se rappelle pour un 2, 3, 4, oui. Là, 1, 2, 3, 4, sur l'iPod. Moi, j'écoute sur mon BlackBerry, par contre. Ouais, ça fonctionne? Oui, ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, on parle de Tony Tomasi. Mais oui, le Big Tony. Celui qui... François Landry, Tomasi beaucoup. Ça fait combien de minutes que tu y penses? À peu près 3-4. François, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Mathieu. Simon, bonne fin de semaine. Salut. François, bonne fin de semaine. Il est pas là. Ah, il est parti. Bye-bye. À la maison, mais pensez-en une bonne journée aussi. Hein? Peut-être faites-vous du spaghetti à sauce tomatie. Oh! Ben là, oh. Il fait j'en trouve une autre, mais il n'y en avait pas d'autre. Fait que j'ai pris celle sur le bord que... Ouais, les meilleurs moments d'assemblage requis, meilleur entre guillemets ici. Mathieu et ses jeux de mots. Ouais, le deuxième t'es poche, mais le premier, Thomas, c'est beaucoup, t'as pas payé. Oh, Popé. Les meilleurs moments d'assemblage requis, vous pouvez écouter l'émission en tant que telle du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante, et notre ribambelle de chroniqueurs des plus diversifiés. Les plus divers, mettons. Comme toi, mettons. Oui. C'est quoi un fouet? C'est que une tu ribambelle. Ah, une ribambelle, d'accord, je pense que c'est une crécelle. Non? Je pense que tu voulais me lancer des tomates. Thomasie.